de la Terre. Tout est interconnecté. Emplissez-vous d'amour. Vous allez maintenant retirer de votre esprit la couleur bleu azur et y placer la couleur indigo. Voir si tu m'as apporté Allez, B, allez, hop. Ouais. Il y a un top là, je veux rentrer. Allez, B. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance qui, comme tous les vendredis soirs de 21h à 23h, dans une ambiance folle, va s'acclimater et s'adapter à vous, cher public. Oh oui, oh oui. Amusons-nous bien. Nuisance, tous les vendredis de 21h à 23h sur Canal Sud. Ouais. Les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta route sur le dos au son des bruits. Les gens demandent grand château. Toi et moi. C'est une info. Amis. Non, non, non, non. Un bisou pour tous. Sud. Nuisance. Thank you.

Nuisance. L'émission du non-sens. Nuisance. L'émission du non-sens. Nuisance. L'émission du non-sens. Nuisance. L'émission du non-sens. Comme je vous disais, vous écoutez Canal Sud, une radio libre, et peut-être déjà morte. En tout cas, Nuisance est déjà mort d'avance, et trépignant d'impatience, on va se jeter dans la gueule du lion affamé pour mieux le dévorer de l'intérieur vers l'extérieur. Nous allons manger le lion par le ventre, en commençant avec les dents. Les dents du ventre, et non la danse du ventre, comme certains diraient, ou d'autres même. Nuisance, l'émission du sens, que l'on ne donne pas aux choses. L'émission de tous les non-sens, de tous les insensés, et de tous les énergumènes. Entendez ça comme vous le souhaitez. Les énergumènes sont dans mon dictionnaire des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bien. Des gens bons, quoi. Des gens bons, quoi. Des gens bons, quoi. Des gens bons, quoi. Oui. Oui. Oui. Oui. Thank you. ça se passe comme ça. Passe comme ça. Comme ça. Ça se passe comme ça. Thank you. Nuisance s'éclaire d'inaudible à chaque fois que Nuisance le peut s'éclairer d'inaudible. Nuisance le peut. Nuisance s'éclaire d'inaudible à chaque fois que Nuisance le peut s'éclairer d'inaudible. Nuisance le peut. Nuisance. Nuisance.

The scheme, it's threaded, it's wired, it's cut in the suburbs, brought to the business centered all the way down to the hall of feathered plucked madness. It's wired. Folly is too gentle an expression to represent what is needed to be said. Madness. Feathered plucked kids eating shit. Folly. Old people screaming in anguish and pain. Molten cheese on pizza. Who cares? Eating shit. The crowd old staring through the subject and pain at the indecency of the wall. Eating shit. The crowd stuck there, old staring through the twisting on its pins, and pain stuck on a cheap piece of mold, rotten cardboard box. Stuck there for memory loss. Exchange within all the knots brought from being to the meeting with non-being. Heavy lead-soldered iron chain of an uninteresting alloy, but of discomforting properties of unbreakability through to cement plastered with weight, pure await, crushing with pull from inside through to inner-sided logic. Here goes for knots. I will mistake for sure the gods of ill kindred, as long as these so-called ones are subdued by light. I will mistake for sure the gods of ill kindred, as long as these so-called ones are subdued by light. I will mistake for sure the gods of ill kindred, as long as these so-called ones are subdued by light. I will mistake for sure the gods of ill kindred, as long as these so-called ones are subdued by light. I will mistake for sure the gods of ill kindred, as long as these so-called ones are subdued by light. I will mistake for sure the gods of ill kindred, as long as these so-called ones. Bon d'accord, je suis perdu et condamné, et les choses changent tout le temps. Et j'aime, et les cadences influent sur les contenus. Bon d'accord, je suis perdu et condamné. Et les amis demeurent le en moi, et les autres par-delà. Et les cadences influent sur les contenus. Mais oui. Et c'est tout jusqu'au bout, mais. Mais non, les autres par... je ne souhaite pas. Sur les contenus. Je ne veux pas. Mais oui, mais. Je suis donc, c'est sauf. Tout jusqu'au bout, mais. Je suis en paix. Mais non, les autres. Sauf que il n'y a toujours que le néant au-delà. Je ne veux pas. Donc, je m'en fiche de mériter, car. Je suis un être humain. Je suis en paix. I am a human being. Damn. Que le néant au-delà. It's not like I've never scalded myself into being dead again. I am a human being. So now damn. That I've never been, it's not like I've dying never will suffice not. The knot. Le nœud. So now le nodule. That I've never le croisement des chaînes. Dying will suffice. Le moyeu. The knot. La cerise, les peines, le croisement des chaînes, le scorbut, le moyeu, et là-dedans, la cerise, l'on glisse, les peines, les. C'est là, là, la façonnante, questionnante relation entre être et non-être jusqu'à l'autodéchirure, la perte de repère de la tenue, questionnante de la matière, être et non-être. Jusqu'à le... par la passibilité de forces complémentaires, perte de repère de la terrement adjacemment, être et non être, jusqu'à le... de côte par à côte, possibilité de forces complémentaires, perte de repère de la... jusque debout en pattes, de baseball, en aluminium. De côte à côte, possibilité de mortadelle. Jusque debout en pâte. Elle me réchauffe. De baseball. Caisse. En aluminium. Rien. De côte à côte, la lumière. Mortadelle. Chaleureuse. Jusque debout, jusqu'à emboutir la douleur. En une purification de la latence du temps. En espace discontinuement. En continu. Jusqu'à la fin. La douleur. Alors. En une purification. Pleurer. Du temps. Et mourir de peur. Ou de plaisir. En continu. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort, c'est sûr. Ça. Pleurer. C'est sûr. Et mourir de peur. Ou de plaisir. For sure. Jusqu'à la mort, c'est sûr. Ça. C'est sûr, je suis dans un meilleur comble de tout et ce ne m'ennuie pas. Que le stress, pourrir là, l'épiderme me supradermise la tête et les sens. Et pendant ce temps-là, mourir est acceptable et bon. Vivre est bon. L'horreur de la vie me comble de bonheur. Si c'est vrai, c'est vrai. Ce serait vrai si c'était vrai. Ce serait meilleur si j'étais meilleur. Les choses sont telles que pourrir est la meilleure des conditions humanisées de la merde à maintenant. Ce serait meilleur si j'étais meilleur. Pour jamais dire. Les choses sont telles que pourrir est la meilleure des conditions humanisées de la merde à maintenant. Ce serait meilleur si j'étais meilleur. Pour toujours. Pour jamais dire. Les choses sont telles. À toujours jamais. Et la meilleure des conditions. Pour dire à jamais. Pourrir c'est vivre. Pour toujours. Pour jamais dire. Les choses sont telles. À toujours jamais. Pour dire à jamais. Pourrir, c'est vivre. So here goes. Never again to just know over to die forever. When is the day forever dying in pain is woe. So here's to it. Never again. The last time I was incontinent. So here goes. Never again to me on to no big deal. Because dying is cool like forever. Damned to live. Fuck you all. Never again to me on to no big deal. So here's to it. Because dying is cool like forever. Damned to live. Fuck you all. Never again to me on to no big deal. La note de bel augure inaugure la mauvaise augure qui, quant à elle, la façonnante à la maison, la raison de difficultés alignées sur la noise déblatérance. Même que cet augure rance, merde, se me prend la merde, puanteur de la torpeur turpide, elle tue, oui, la torpeur tue en puant le pu qui suinte de la plébéante, puanteur de la torpeur turpide, elle la sociétale pénombre, la torpeur tue, n'existe qu'illusoire et passagèrement facilement démenti qu'elle est aimable. Aussi, les combinaisons un temps pestantes, un autre puante ne permettent pas permissivement, mais bien non, que les chats te rendent con les bites. Avec le reste, je signifie merde écrite un soir, le matin, à 7h13. Con les bites. Avec le reste, je signifie merde écrite un soir, le matin, à 7h13. L'implication. Les uns et les autres. L'implication. Ne s'important pas. Les uns et les autres. De perspective. L'implication. Ne s'important pas. Demeure en territoire, bien qu'inadverse, bien. De perspective. Des territoires en lesquels il est. Et autres sont territoire bien qu'inadverse, car bien de perspective. Territoire du fait d'un obscur gratuit boisage, la merde, elle, demeure filtrée. Du fait d'un obscur gratuit boisage, la merde, elle, car 30 n'ans, à jamais, les secondes qui trop tentent. Résonne en mon crâne de sueur. Par analogie, l'illogisme de la situation reste. Merde, j'ai envie encore de mourir. Merde, par analogie. Meurs-moi encore. Encore. J'ai faim. J'ai envie encore de mourir. Merde. Meurs-moi encore. Bouse de vache. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. C'est ce que je dis. Bouse de vache. Ça colle pas avec ce que je suis, merde. C'est foutu, crevé l'abcès purulent que je suis. C'est ce que je dis. Vite. Bouse de vache. Crevé. Ça colle pas avec ce que je suis, merde. Merde. Merde. C'est foutu, crevé l'abcès purulent que je suis. Merde. Vite. Bouse de vache. Crevé. Ça colle pas avec ce que je suis, merde. Merde. Foutu, crevé l'abcès purulent de vache que je suis. Merde. Vite. Bouse de vache. Crevé. Ça colle pas avec ce que je suis, merde. Merde. Foutu, crevé l'abcès purulent de vache que je suis. Merde. Vite. Bouse de vache. Crevé. Ça colle pas merde avec ce que je suis. La naissance crépusculaire de l'aube mythologique. La nomance de la tergiversation n'exclut pas la susdite tergiversation d'opérer sa manœuvre indécente. La nomance de la tergiversation et de là, n'exclut pas. Il ne saurait y avoir, c'est sûr, c'est exclu. Sa manœuvre alors de maintenant à jamais, à toujours, maintenant, jamais, évident. Ne saurait y avoir, c'est sûr, c'est exclu. La gorge déployée ne saurait non plus ne pas exclure la rupture séparante par cassante brisure. Le bris et résolution du blême et blafard inévident, solutionnement absconce inadversité. Comme, soit dit en passant, la réponse à la non-question au demeurant n'exclurait pas non plus les abords d'un subalterne halitant, soit dit en passant, soubresaut de vomissure sur lit de nappage caca. Ouais. Car, un subalterne d'un instant à l'autre, ne permettant de vomissure sur ni l'énergie, ni caca, la masse de grave matière, la démesure, d'un instant à l'autre, non que, malgré tout, tenter. Ni elle demeure. Lorsque l'abord déborde en raturation évidente. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Merde. Le temps se démet pour démettre les émissions. La turpitude entorpe et langueur l'engourre jusqu'à toi. Le temps se démet pour démettre les émissions. Je te veux et tellement. La turpitude entorpe tellement et langueur l'engourre jusqu'à toi. Le temps se démet pour démettre les émissions. Shit. Je te veux et tellement. This la turpitude entorpe tellement sucks. Et langueur l'engourre jusqu'à le toi. Le temps se démet pour démettre les émissions. Shit. Je te veux et tellement. This la turpitude entorpe tellement. Sucks. Et langueur merde. L'engourre jusqu'à toi. Le temps toi. Se démet pour démettre les émissions. Shit. Je te veux et tellement. This la turpitude entorpe tellement. Sucks. Et langueur merde. L'engourre jusqu'à toi. Se démet pour démettre les émissions. Shit. Je te veux et tellement. This la turpitude entorpe tellement. Sucks. You know what I mean. It's just the old same shit all over again. You're not gonna get even with yourself just doing that again. The whole same old damn shit all over again. All over again. You're not gonna get even with yourself just doing shit. You can't just do this shit all over again. The same shit all over again. You're not gonna get all over yourself just doing shit. You can't just get even with yourself just doing shit. All over again. Same shit. It's just the same old shit all over again. All over again. Just get even with yourself just doing shit. All over again. Same shit. It's just the same old shit all over again. All over again. All over again. Just it's all over again. Yourself. The remains of silence. Qui signifie à peu près. Just all over again. Yourself. Les ruines du silence. The remains of silence. Les ruines du silence. je ne suis pas cette idée de jeu, justement. Ce me paraît adverse à mon inadverse territoire qui ne tergiverse point. À la ligne ? Non. Justement, que l'inazur adverse, justement pas, justement pas. Ah ah ah, c'est comme ça. L'incompréhensible, on comprend rien à rien. Cool. L'absurde qu'on comprend. Justement pas, justement pas. Ah ah ah, c'est comme ça. L'incompréhensible, on comprend rien à rien. Cool. Vois la vue. Comme tu me vois. Je vois. La juste chose, c'est défiler, en se défoulant d'un défilant défilement de chaos adverse tant qu'inadverse, les inabscons se référant aux terres, sont comme défiler, en leur quantité en d'état, mais plus simplement en état de qualité doté par inadvertance, diverses et multiplement variées et variablement variantes et nommées ou non. L'incité change. Diverses et part et met le changement en rang de recherche vitale. C'est établi de pourtant à accepter, prisant le refus pour par accident. Les chaos, brumes, voilent la nuit pourtant, oui pourtant, déjà si obscure. Nuit. Se faire la nuit n'a rien d'inaboutissant, enversable urine et déjectable excrémentielle excrétion. La foulure ne casse point d'eux. Mince. Et le travers qui déporte le filet de porc. Mince. Et le travers qui déporte le filet de porc. Mince. Vois la vie. Vois la vue. Voilà. Va.

La sentinelle, la sentinelle, la sentinelle, la sentinelle, la sentinelle, la sentinelle. Bon bah c'est comme ça, Nuisance, eh ben, c'était Nuisance. C'est une émission toute dotée de bon sens et de bienséance. Et donc pour votre bienfaisance, nous allons nous arrêter là, car c'est vraiment en train de devenir insupportable. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes le vendredi 9 novembre 2018. Et c'était Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens et à tout le bon sens du terme. Inologie, c'est fini. Nuisance vous dit bonne soirée sur Canal Sud.